Bonsoir. Bonsoir. Prenez votre Bible, on va commencer. Ça va? D'abord, des questions intéressantes ici. Il est 16, on aura le temps de bien travailler maintenant. Vous n'êtes pas fatigué, non? Vous n'êtes pas fatigué? Vous êtes fatigué? Attends, ça va. Hein? Ça va bien. Tes yeux tournent, tu n'as pas gêné. Je n'ai pas gêné. Si vous voulez enregistrer, mettez le téléphone ici. On peut commencer. La première question, quel est l'intérêt du diable de faire en sorte qu'une famille reste ou demeure dans la pauvreté matérielle ou financière? Pourquoi le fait-il? La réponse est simple, parce qu'il est le diable. Deuxième question, non. Et comment faire pour discerner qu'une famille est dans une telle condition et que la main de Dieu ne soit pas derrière, mais plutôt la main du diable? Bonne question ici. Ou encore, Dieu trouverait-il du plaisir à rendre toute une famille pauvre? Que non, pas vrai. Ce n'est pas le caractère de Dieu ici. Cette personne se pose la question, et comment faire pour discerner qu'une famille est dans une telle, qui est dans une telle condition? En fait, la question c'est, bon maintenant, si une famille est dans cette condition-là, comment savoir si c'est Dieu ou bien c'est Satan? Si déjà Jésus n'est pas à l'intérieur, d'abord dans la famille, c'est le diable qui est dedans, n'est-ce pas? Ça dit qu'il règne en maître. Ça ne peut pas être Dieu derrière une famille qui ne connaît pas Christ et qu'il ne veut pas de Christ de toute façon. Vous allez trouver des familles traditionnalistes, des familles qui, quand il y a les deuils, ils sont les premiers à aller là-bas. Quand vous leur parlez de l'évangile, ils commencent à vous insulter. Alors ils sont sous la coupe du diable. D'accord? Même ceux qui n'ont pas cette pauvreté, ils peuvent ne pas avoir cette pauvreté matérielle-là. Mais le simple fait qu'ils ont les maisons et autres, ce qu'on appelle la richesse matérielle, ça ne veut pas dire que Dieu est les agrès. Mais comment faire donc pour discerner que ceci est de Dieu ou pas? Si quelqu'un s'y trouve et qu'il est dans cette genre de famille, qu'il est chrétien, il prie tout simplement et demande à Dieu quelle est la chose, n'est-ce pas? C'est pas ça, frère? Amen. C'est pour votre voix ne sort pas. Dieu ne trouve pas de plaisir dans cela. Deuxième question. Donc la première question est assez facile. Quel est l'intérêt du diable de faire en sorte qu'une famille reste ou demeure dans la pauvreté? Il est le diable. Pourquoi le fait-il? Il est le diable. Si vous prenez les différents attributs du diable dans la Bible, vous allez trouver que ça, c'est normal qu'il fasse ainsi. C'est comme le diable fait quelque chose, vous dites, yeah, Satan est méchant. Vous pensez, vous dites quoi? Vous l'insultez? Non. Vous en avez fait quoi? Qui a appelé le méchant dans la Bible? Il y avait un frère. On passait quelque part, je ne sais pas où on se retrouvait. Et le chien ne faisait qu'aboyer. Oui, oui, oui, oui, oui. Il dit tais-toi. Pendant qu'il dit tais-toi, le chien fait encore. Oui, oui, oui, oui. Il dit un chien comme ça. Mais c'est tenu les regards comme ça. Il dit mais comment cet animal s'appelle? Il dit chien. Il dit quand tu dis un chien comme ça, qu'est-ce que tu dis de nouveau? Parce que c'est lui que tu appelles, c'est son nom. Donc quand vous dites le diable est méchant, c'est normal qu'il soit méchant. S'il était bon, c'est là où ça devait être surprenant, pas vrai? Deuxième question, d'après Actes chapitre 12, versets 21 à 23, dans ces Actes chapitre 12, vous allez remarquer que Hérode avait fait tuer Jacques, arrêter Pierre. Et un de ces jours, il va s'asseoir devant son assemblée. La foule va commencer à crier, voix d'un Dieu, voix d'un Dieu. Subitement, la Bible déclare là-bas que subitement, un ange du Seigneur l'a frappé. Il est tombé, il est mort, n'est-ce pas? Parce qu'il a pris la place de Dieu. Ça pose même des problèmes même dans la Bible. Ça pose l'une des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il va aller doucement ici, d'accord, pour vous me saisissez. Vous m'attendez là-bas. Hein? Amen. Hérode n'est pas un roi juif. C'est un roi païen. Et ici, dans cet Acte chapitre 12, la foule crie voix d'un Dieu. Ça dit qu'on considère Hérode comme qui? Comme Dieu. Dieu l'a frappé. C'est l'ange du Seigneur qui l'a frappé. Un ange du Seigneur l'a frappé. Il est tombé là mort. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à une personne. Mais il n'est pas le seul sur la terre à avoir fait cela. Il y a des présidents, des autres, il y a Néron, tous les autres grands présidents qui ont eu des grands empires, sont considérés comme des divinités. Pharaon, Néco, ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, ça se trouve dans Actes des Apôtres. Ça commence à nous poser problème. On se croit que non, Dieu est pour les Juifs. Le fait que le monde fait comme ça, là, ça ne l'intéresse pas. Notez Isaïe 45. Notez cela. Vous y êtes? Voilà. Dans ces Isaïe 45, est prophétisé un monsieur, on l'appelle Cyrus. Dans ces Isaïe 45, est prophétisé un monsieur qu'on appelle Cyrus. Dieu l'appelle que c'est celui-là, Cyrus, qui va faire toute sa volonté. Il va ordonner qu'on bâtisse son temple et qu'on restaure les choses. Mais Cyrus, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas un Israélite. Isaïe prophétise sur lui avant qu'il ne naisse. Ne disons même pas qu'il vient de nous pouvoir. Donc, avant qu'il naisse, il y a une prophétie qui donne même son nom. Lorsqu'il a prophétisé la venue du Seigneur Jésus dans Deutéronome chapitre 18, en disant que l'Éternel, notre Dieu, vous susciterait un prophète comme moi, il n'a pas donné le nom. Mais pour celui-ci, un roi païen, il a donné le nom avant sa naissance, Cyrus. Et quand il est né, son maman lui a donné le nom de Cyrus. Quand il a donné le nom de Cyrus, il a grandi, allé dans les écoles, autrement, il est devenu roi. Et c'est lui qui a fait ce que Dieu avait demandé qu'il devait faire. Vous me suivez? Amen. Ok. Maintenant, ça, c'est chez les païens. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sous la puissance du malin. Le monde entier, c'est sous la puissance du malin. Si vous lisez votre Bible de la bonne façon et correctement, vous allez voir que ce n'est pas maintenant que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, depuis la Genèse, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, vous allez remarquer que ce n'est pas dans le moment de l'Ancien Testament que le monde actuel est sous la puissance du malin. Ça l'a été depuis combien de temps? Depuis quel moment? Depuis la chute d'Adam. Donc, le monde était sous son contrôle, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Quand le Seigneur est venu, il est mort pour le péché de tout cela qui lui appartient. Il a quitté la scène. La Bible déclare, on va y revenir ce soir, Dieu voulant, que dans Colossiens chapitre 2, si vous lisez bien le verset 14, 15, 13, 14 et 15, on dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ça, frère? Amen. Qui a écrit ce livre de Colossiens? Vous parlez, vous voulez, je vais rentrer. Je vous laisse votre vie avec vous. Qui a écrit le livre de Colossiens? C'est l'apôtre Paul. Qui a écrit le livre d'Éphésiens? Dans le livre d'Éphésiens, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Amen. Qui a écrit que Christ a dépouillé les dominations? Que veut dire dépouiller les dominations? Ok. Ici, on dit que nous n'avons pas à lutter. Donc, faites attention parce que la lutte n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. Et il donne quatre catégories de démons qui règnent dans le monde spirituel. ici les plus méchants, les mondes, les esprits méchants dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Christ a fait à la croix contre eux? Il les a dépouillés. La puissance que le diable utilise donc, ça vient d'où? Où est-ce que ça est cité dans les Écritures, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare, si vous lisez votre Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, la Bible déclare qu'il y a des esprits, des grenouilles qui vont aller chez les rois de la terre, n'est-ce pas? Pour les réunir, c'est un esprit de mensonge, pour les réunir, afin qu'ils s'allient à la cause pour aller contre le Seigneur des armées, Gog et Magog. Il va aller les rassembler pour qu'ils entrent dans cette cause-là. Donc les esprits vont vers... Souvenez-vous de ceci et gardez bien ceci à l'esprit. Il peut avancer maintenant. Il peut avancer. Si c'est dit quelque chose, c'est lourd. Considérez-moi toujours comme votre frère, même si vous ne comprenez pas, laissez tranquille, d'accord? Ok, maintenant écoute très attentivement. En fait, je parle de la parole de mon père. Maintenant, la Bible déclare l'Apocalypse, au chapitre 19, que ces esprits-là vont vers les rois de la terre pour les séduire, leur disent des mensonges. Ça veut dire qu'il y a des conseillers au milieu des rois de la terre qui se trouvent des religieux. Il y a des conseillers, les rois de la terre ont des conseillers qui sont dans le domaine religieux. Les conseillers comme un conseiller sur le plan, vous appelez nutritionnel, sur le plan des tactiques de guerre, géopolitique, parce qu'ils ont des conseillers dans tous les domaines. Pour que quand il a besoin, s'il y a un problème qui se pose dans tel domaine, il appelle tel spécialiste. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si c'est une question du droit international, il a un conseiller dans le droit international ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette personne lui donne les idées. Il appelle autre collège, ils se réunissent. Quand il s'agit de matières religieuses, c'est celui-ci dont la Bible vient de parler. Vous entendez cela? Ils vont vers les rois de la terre. Maintenant, en fait, si vous avez lu votre Bible particulièrement, Jésus les a identifiés. Si vous avez lu le livre de Matthieu, chapitre 22, il y a des confrontations entre les Hérodiens, les Sadducéens, les Pharisiens, avec le Seigneur Jésus. Vous avez remarqué cela? Lorsque les Sadducéens ont posé la question à Jésus, en donnant l'exemple de cet homme-là, qui avait une femme et qui n'avait pas d'enfant, et il a dit qu'il avait 7 frères, et que tous les frères, 7 frères ont connu cette famille, ils ont posé la question au Seigneur, à la résurrection de Dieu, quel de ces 7-là va prendre la femme pour mari? Avant de répondre, Jésus-Christ nous a donné quelque chose comme révélation concernant ces sujets, c'est ce que j'en ai parlé. Il a dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça veut donc dire que s'ils sont dans l'erreur en lisant les Écritures, lorsqu'ils ouvraient l'Écriture pour lire, la compréhension qui venait de l'esprit de l'erreur. Et par conséquent, leur interprétation était erronée. Parce qu'ils étaient conduits dans l'esprit de l'erreur. Ils pouvaient avoir n'importe quelle sensation dans leur groupe. Ils n'en demeurent pas moins que c'était l'erreur, l'esprit de l'erreur qui les contrôlait. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 4, la Bible déclare qu'il y a deux styles d'esprit. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, il n'y a que les deux là. Quand vous lisez la Bible, si vous ne comprenez pas et que vous enseignez quelque chose qui est faux, vous êtes conduit par l'esprit de l'erreur parce que l'esprit de la vérité n'enseignera pas quelque chose de faux dans les Saintes Écritures. Il donnera l'explication parce qu'il l'a dit dans Jean chapitre 14 que lorsque cet esprit-là viendra, c'est l'esprit qui va conduire dans toute la vérité. Il n'a pas dit qu'il va enseigner le mensonge parce que s'il enseigne le mensonge, c'est contraire à sa propre nature. Dans Apocalypse chapitre 19, donc, la Bible déclare que ces esprits-là vont vers les rois. Ce n'est pas un esprit qui marche comme ça là pour aller conseiller le Seigneur te le dit qu'il y a des religieux qui seront au milieu des rois, qui vont donner le mauvais conseil et ces conseils, c'est contre l'agneau. Vous avez moi, hein? C'est pour ça que vous voyez que les présidents font tout et tout. Ils ont des conseils religieux. Mais le plus grand danger, c'est cela. C'est qu'en réalité, aucune personne, dites même chrétienne, n'est habilitée à aller conseiller un roi en dehors des encore en dehors des prophètes. C'est seul eux qui sont capables de dire quelque chose. C'est les saintes écritures qui nous enseignent cela. C'est les saintes écritures qui nous enseignent cela. Ça pose donc la relation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde. Et puis nous disons, ok, peut-être si telle chose arrive là, on aura des problèmes avec Dieu parce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose. On a des problèmes. On a des problèmes véritablement. Et donc si Dieu dit dans la Bible, que dans Apocalypse chapitre 19, que ce sont les esprits qui vont, ce sont des grenouilles, semblables à des grenouilles qui sortaient de la bouche et qui vont vers les rois de la terre. Quand ils vont vers le roi de la terre, c'est pour leur donner du mensonge. Ce qu'ils vont leur donner, c'est le mensonge. Parce que normalement, si quelqu'un était des dieux, un président qu'il donne sur les conseillers ne viendra pas, lui donner de l'air. Vous avez vu Jean-Baptiste devant Hérode. Vous avez vu Élie devant Acab. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu l'apôtre Paul devant Félix, Festus et autres, n'est-ce pas? Il ne leur cache pas. Il leur dit que même si vous devez être dans la chaîne-ci, que tu sois chrétien en dehors de cette chaîne-ci. Ils leur disent la vérité. Vous y êtes, frère? Amen. Voilà, donc, seuls les prophètes sont habilités à aller vers les rois, parce que ce sont les onctions égales devant le Seigneur avec les attributs égales. On avance? Amen. Donc, la personne se pose la question, et c'est ça, c'est une très bonne question, avant qu'on avance ce soir. D'après Actes chapitre 12, versets 21-23, est-ce que de nos jours encore, l'ange du Seigneur frappe-t-il les rois ou les hommes du même péché que celui du roi Hérode? Non. Dieu ne fait pas des choses de façon monotone. Vous regardez votre Bible correctement. Si vous voulez, je commence à vous citer les choses vous me voyez dans la Bible. Qui est l'héritier de Jacob? L'héritier de Jacob, c'est qui? Pourquoi? Il est le premier fils. Dites-moi pourquoi il est le premier fils, l'héritier. Dites-moi pourquoi il est l'héritier. L'héritier, normalement, c'est... Qui était l'aîné? Ça fait longtemps que vous avez lu la Genèse, c'est ça? Oui, quand vous lisez, vous avancez, vous oubliez derrière. Ok. Pourquoi Ruben n'a-t-il pas hérité du droit de... Suivi la bouche de son père. Quelque chose lui interdisait-il de faire cela? Y avait-il une loi qui l'interdisait? Y avait-il quelque chose qui lui interdisait de faire cela? Y avait-il une loi qui dit que si ta femme, ton père a plusieurs femmes, tu peux pas coucher avec une? D'après Romains 2, il y a la loi de la conscience. Vous avez moi? Amen. D'après Actes chapitre 12, versets 21-23, est-ce que de nos jours encore, l'ange du Seigneur frappe-t-il les rois ou les hommes du même péché que celui du roi Hérode? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a une question de dispensation? Il n'est pas question de dispensation. Il n'est pas question de dispensation. Il est question de la souveraineté de Dieu. Je vous pose une question. Vous pouvez être honnête avec moi, avec vous-même, avec le Seigneur, avec les démons. Si vous posez une question, est-ce que vous pouvez être honnête avec moi en répondant honnêtement? En répondant honnêtement devant Dieu, devant Satan, devant moi et devant votre propre conscience, vous pouvez répondre? Comment tu as essayé? Qui ici, depuis qu'il dit qu'il est chrétien, a déjà menti, lève la main. Donc, nous voyons que toute l'assemblée a déjà... Pourquoi Dieu ne vous a pas tué? Pourtant, dans la Bible, nous voyons... Un couple qui l'a tué, pas vrai? Non. Qui ça? On l'appelle qui? Ils avaient fait quoi? Ok. Quand ils ont menti, Dieu a fait quoi? Il a frappé de mort. Pourquoi vous, il ne vous a pas frappé de mort? Parce que c'est clair que dans chapitre 5, il est question de mensonge. N'est-ce pas? Pourquoi ne vous a-t-il pas tué de la même manière qu'il a tué Ananias? Vous avez moi? Bon, maintenant, ça veut dire que Dieu a plusieurs styles de correction. De la même façon comme pour une même maladie, même style de maladie, il a plusieurs styles de guérison. Il a plusieurs façons de punir. D'accord? Bon, maintenant, s'il a puni Ananias et Saphira en les frappant par la mort, ça suppose qu'il a un domaine de qui va frapper dans, ton, dans ta vie qui sera aussi la mort. Parce que c'est la même sanction. Et la différence entre eux, c'est qu'on les a enterrés. Un autre domaine de ta vie sera enterré à cause du mensonge. Parce que pour qu'il soit juste, il faut qu'il frappe de la même façon. Mais c'est ce que vous voyez mort, qui est l'éteinte, éteindre le souffle qui est le problème. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit que laisser les morts enterrer leur mort. Donc il y a un style de mort qui est vivant en marchant, un style de mort qui est couché. Donc tu peux te frapper, tu meurs, en marchant. Vous avez moi? Amen. Alors l'ange du Seigneur qui a fait l'acte aux apôtres chapitre 12, verset 21 à 23, sur Hérode, en le frappant physiquement, peut encore le faire aujourd'hui. De la même façon comme il traverse des générations. En fait, voici pourquoi il vous a dit dès le départ, en prenant du moment où Satan régnait sur la terre. En expliquant que, quand la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier est sur la puissance du malin, ce n'est pas maintenant, ce n'est ni après Jésus-Christ qui règne. Avant que Jésus ne vienne, depuis Adam, il règne. Jésus est venu, ça n'a pas changé. Parce qu'Apocalypse chapitre 11, si vous lisez le verset 15 d'Apocalypse chapitre 11, la Bible déclare que lorsque le septième an sonnera la trompette, à cet instant-là, le royaume du monde sera remis à Christ. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc, tant que cette trompette n'est pas sonnée, c'est sous la puissance du malin. Et maintenant, écoutez très attentivement. Nous sommes donc gouvernés par Satan, mais n'empêche donc à Dieu de temps en temps faire des exactions sur la terre. Parce que la Bible déclare dans cette somme-là que tout ce que le Seigneur le veut sur dans les cieux, il le réalise sur la terre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est donc pour cela qu'il peut imposer un homme sur la terre en brisant tous les plans pour faire son œuvre. Comme le président américain que vous voyez là maintenant. J'ai remercié le Seigneur pour cela. J'ai remercié le Seigneur pour cela parce que j'ai craigné, parce que ce qui arrivait, c'était terrible. Mais maintenant, les États-Unis sont encore dans le collimateur. Donc, vous avez les gens là-bas, demandez-leur de quitter. Demandez-leur de quitter parce qu'après lui, ça va bader. C'est pour ça que vous pouvez voir, remarquer, vous pouvez le voir, il se met à l'office, il parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit que vous, chrétiens, cherchez, il a pour faire un office bien déterminé, dans un plan déterminé, et puis quitte la scène. Pour que le dénouement vienne encore en tuant bien les Américains. Ça veut dire que, par exemple, il ouvre une brèche en disant qu'une période de grâce vous est accordée. Repentez-vous. Il restructure ici, il restructure là-bas, exactement comme il a fait avec Cyrus, en appelant un païen à l'office pour faire un ministère au milieu des enfants d'Israël. Vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez le livre des juges, vous allez remarquer que chaque fois qu'un Dieu suscité, qu'il a suscité Shanga, O'Neill, ou suscité Gédéon et tous les autres, tous ces moments de la vie de ces héros que Dieu a suscité, les juifs d'Israël, après les morts, ils retournaient à la décadence. Donc c'est inévitable. Vous avez les gens dans la zone comme la Californie, Los Angeles, New York, demandez-le de quitter. On va montrer la télévision, vous allez croire que c'est le film. Vous savez, ils tournent le film, ils prophétisent sur leur vie. Je vois souvent des films, ils voient comment ils font l'ouragan, comment telle personne font. Ils ont l'avion qui part éteindre, ils vont aller bombarder pour que l'œil des cyclones s'arrête, que ça ne vienne pas, on va évacuer. Ils disent, ah, ceux qui connaissent ce qui va leur arriver. Donc Dieu entre dans les actions humaines, impose ses lois et quitte. Prenez un exemple de Darius. Je vais lire Daniel chapitre 6, n'est-ce pas? Quand Darius a pris le pouvoir, il trouva bon de nommer Daniel au sein de lui. Mais c'est quand même terrible aujourd'hui. Remarquez qu'une fois de plus, c'est un prophète que Dieu positionne là-bas. Vous allez voir les chrétiens aujourd'hui, ne comprenant pas ces principes-là, vont dire, vous pouvez hériter du pouvoir en étant proche du roi comme Daniel. Daniel, c'est un prophète et Dieu l'a mis là-bas pour un but bien déterminé. Joseph, c'est un prophète. Et Dieu l'a mis là-bas pour un but bien déterminé. Ils n'ont jamais fait de concours pour avancer, pour aller dans le royaume. Vous saisissez ça, n'est-ce pas? Il dit bien, aucune de ces personnes-là n'a jamais fait un truc militaire, n'importe quoi pour aller. C'est les circonstances du Seigneur qui les a positionnés là-bas. Et quand il les positionne, c'est pour un but bien précis. Regardez ce que la reine Esther a eu. Regardez comment Dieu fait des choix une reine. Vastige, pour positionner Esther là-bas, parce qu'il savait que quelque chose arrivait devant. À cause de sa position, il va délivrer Israël. Alors, à cause de cela, Dieu place une femme juive de sa descendance chez un païen, un polygame, un buveur de vin pour qu'il soit son mari. Vous voyez, et Esther, elle l'a en plein. Et sa loi dit clairement que tu n'as pas posé un païen. Dieu l'a positionné là-bas. Si Esther n'avait pas été là, le peuple juif serait détruit. Pas vrai? C'est Dieu qui l'a fait. Il intervient dans le domaine. Mais maintenant, si vous voyez, ça vous dit que même Esther a épousé un païen. Vous allez vous en sortir devant le Seigneur? Non. Que même Esther avait épousé un païen, non. Oh, si le gars l'a abandonné la fille là, pour me prendre, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Si tu as une autre Bible à écrire, écrivez. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue encore. Merci. Le 30 de ce mois-ci, on commence encore un jeûne de 10 jours. Le 30. Ça concerne seulement les Camerounais. Je vais vous expliquer. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui participez au jeûne. Partout. Que Dieu soit glorifié de tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour les révélations qu'il donne à ceux qui sont en Israël, en Amérique, au Canada, en Belgique, en France. Nombreux ceux de Côte d'Ivoire et autres. Le jeûne, ce n'est pas concerné parce que ça concerne les Camerounais seulement sur tous les plans. Donc, ça n'est si quelqu'un est quelque part, même à l'étranger, et que les Camerounais, le jeûne le concerne. Écoutez très attentivement. Nous jeûnons pour 10 jours. Donc, du 30 jusqu'au... Du 30 jusqu'au 9. Jusqu'au 9. Le jour où on commence, ce jour du 30 là, je veux que toute la soirée, à partir de 21h, chacun de vous soyez à vos genoux pour la journée du 1er et du 2. D'accord? Pour qu'on suive ces deux journées, puis la journée du 5 et du 6. Notez très attentivement. Je vais vous expliquer. Donc là, le jeûne commence quand? Le 30 septembre. Ça finit le 9 octobre. Après ça, il y a encore un autre jeûne. On va surveiller le Cameroun jusqu'à ce que la force nous manque. Je vais vous expliquer. Donc, à partir de 21h, du 30, priez jusqu'à ce que la force vous manque. Priez à cause de la journée du 1er au 2. Priez jusqu'à ce que la force vous manque. Je m'adresse au Cameroun. Communiquez. Est-ce que cette communication peut être annulée? Peut-être, je ne sais pas si on peut l'annuler. Je ne sais pas si on peut annuler un communiqué. Quand il parle d'annuler, ça dit annuler dans la prière. Pendant qu'on sera dans la prière, qu'on annule. Si Dieu nous donne grâce, qu'on annule. Parce que c'est un communiqué qui peut faire des ravages. Il peut avancer. Donc, l'intercession du 30, la nuit du 30, à partir de 21h, c'est pour garder les journées du 1er, du 2, du 5 et du 6. D'accord? Ça veut dire que ce qu'on a fait le 30 là, d'accord? Suivez attentivement. Ce qu'on a fait le 30, dans la nuit du 30 là, pour les journées du 1er au 2, la journée du 4, la nuit du 4, on va refaire la même chose pour les jours du 5 et le 6. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. J'ai vu les chefs traditionnels se réunir et faire des sacrifices. Les chefs traditionnels se réunir et faire des sacrifices et quelqu'un a attrapé un serpent, un gros serpent, par la queue, en parlant, en faisant des incantations. C'est parce qu'il sortait de ce serpent au Cameroun. Chef traditionnel, parce que je l'ai vu dans leur apparat, dans leur tenue, vous savez, les tenues traditionnelles. Et puis, j'ai remarqué que ces chefs traditionnels, c'est comme s'il y a un calendrier sur lequel ils se figurent. Un calendrier sur lequel on les a classés comme ça. Lorsque nous étions au Maroc, vous avez fini de noter, frère. Quoi que je ferais mieux de m'approcher de votre, ceux qui ont mis l'enregistrement, c'est pour que ça soit bien là, capté. Lorsque j'étais au Maroc, quelqu'un m'a envoyé une image d'une rivière de sang. En donnant un signe de communiqué là-dessus, qu'une rivière de sang a eu lieu à Laxlo, derrière l'hôtel Laxlo, une rivière de sang. C'est toujours à un kilomètre de là où j'habite. Donc j'ai envoyé ipso facto le message à quelqu'un de la famille dans la zone qui est considéré. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit connaître des choses de ce pays-ci, parce qu'il est proche du parti au pouvoir, j'ai envoyé des messages là-bas que qu'est-ce qui se passe là-bas au Cameroun. Si vous remarquez très attentivement l'image du sang, la rivière n'est pas la rivière du Cameroun. C'est une rivière extérieure, je crois que dans Malaisie. Mais le message, ce qui est écrit là-bas est vrai. Parce que dès que je suis rentré demander à l'une de ces personnes, il dit, mais je vous avais envoyé une image. Il dit que nous sommes surpris que quelque chose se passe à côté de nous ici. Et toi, tu es au Maroc, tu es au courant. J'ai dit, justement, on m'a envoyé aussi cela. Je vous ai transmis pour... Il dit, vérifiez-moi cette information-ci. Alors, donc, cette personne allait auprès de cette autre personne qui est bien positionnée dans l'État, dans les choses traditionnelles. Mais on nous a dit qu'il y a une rivière ici à côté, telle rivière. Il dit, ah oui, on est allé résoudre le problème là. S'il y avait du sang là-bas, on allait voir les chefs traditionnels. Donc, l'image n'est pas l'image de cette rivière, mais c'est une illustration, mais l'information est vraie. Donc, effectivement, la rivière avait du sang dedans. La question, c'est d'où provient ce sang? Ils interprètent que ce sont les ancêtres qui sont fâchés. Et ils ont fait le sacrifice pour arrêter. Ça pose des problèmes. C'est-à-dire que l'être humain ne comprendra pas. Notez Jérémie chapitre 18. Notez Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 10. On va y aller tout à l'heure. Dieu voulant. C'est parce qu'il écrit là-bas quand il m'amène là-bas. L'être humain ne comprendra donc pas la correction. Vous voyez, Dieu souffle sur la terre un tsunami pour balayer une zone. Parce que les gens, ils viennent, ils font des sacrifices. Des gens, ils viennent pour faire des navettes sexuelles, le tourisme sexuel. Tout se passe là-bas. Dieu balaye pour dire repentez-vous. Un marabout sort pour dire que les dieux des eaux sont fâchés parce qu'on n'a pas fait de sacrifice. Allez faire des sacrifices là-bas. Donc, contre quoi Dieu s'irrite, c'est contre la même chose qu'ils vont faire pour établir de nouveau. C'est comme en Côte d'Ivoire. Vous étiez ici plusieurs fois. Je parlais de la Côte d'Ivoire, la solution pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire se trouvent des gens également, tout comme ces personnes qui sont réunies quelque part pour faire des sacrifices en faisant des choses dans la forêt et dans la terre. En Côte d'Ivoire. Peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. En Côte d'Ivoire, ils ont fait cela. Vous pouvez aller chez le marabout. Écoutez très attentivement. Vous avez un mâle. Ou pour un pasteur pris, vous n'avez pas de relief. Vous allez chez le marabout, vous dites, ah, le marabout, ce n'est pas le pasteur. Quand un pasteur est appelé des dieux, même s'il prie sur vous, ça ne marche pas. Il dépasse quand même le plus puissant des marabouts sur la terre. Amen. Même si un pasteur prie pour vous, c'est le pasteur de façon genuine. C'est le pasteur de façon spirituelle. Parce que être pasteur, ça ne veut pas dire que quand tu vas venir avec ton mal. C'est vrai, parce que les gens ne discernent pas la volonté de Dieu maintenant que ce mal-ci est fait pour te garder pour un bon bout de temps devant le Seigneur. Alors, moi maintenant, si je prie pour cela en disant que sois guéri au nom de Jésus, si je prie sans avoir le discernement que Dieu veut qu'il soit gardé avec cela, je suis en train de chercher le problème avec Dieu. Vous comprenez cela? Parce qu'il y a le mal que Dieu peut mettre dans ta vie pour te pousser plus à le rechercher. Parce que si tu es guéri, tu vas aller à la dérive. Ou bien tu vas t'enorgueillir, ainsi de suite. Il y en a plein dans les Écritures. Et donc, si un pasteur, tu vas voir un pasteur, il prie au nom de Jésus qu'il soit guéri. Plusieurs fois, ça ne va pas, il donne lui, il va même lui. Tu ne comprends pas. Tu vas chez le marabout. Je suis en train d'aller en Côte d'Ivoire là. Tu vas chez le marabout, il fait, oui, pape, ça sort. Satan sait que, en tant que croyant, vous n'êtes pas venu vers lui. Il a intérêt à vous donner rapidement la solution. Pour vous calmer, pour que votre âme lui soit donnée, redevable. C'est ça. Hein? Oui. La question maintenant, c'est, a-t-il octroyé la guérison? Il a donné la calmie. Cette accalmie ici va produire, quand ça va se ressurger avec l'autre esprit, ça sera pire que la première condition, n'est-ce pas? Oui. Donc, en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait qui est temporairement comme si c'est stable, ils ont touché à une bombe qui a un effet tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ils ne font pas la paix. C'est là une femme que Dieu va amener les commander là-bas. C'est une femme. Donc voilà un exemple, par exemple, pour la Côte d'Ivoire qui s'asseye pour faire le maraboutisme. Pourquoi, une fois de plus? Parce que dans l'ancien régime, on a vu des religieux, comme je t'en ai dit tout à l'heure, que les esprits des mensonges qui vont vers les rois. On a vu comment les religieux chrétiens, entre guillemets, ont fait leur preuve de façon négative vis-à-vis du premier président. Parce qu'ils en étaient pleins à ses côtés. Et s'ils ont dû rester avec lui en disant que ah, tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et il est tombé, celui-ci peut dire en plein droit que de Jésus que ceux-ci apprennent là, c'est le faux. Parce que quand les marabouts, eux, ils parlent, il y a un résultat. N'est-ce pas, frère? Ce résultat-ci est momentané. Alors, cette rivière de sang qui a coulé, et ils ont versé effectivement un sacrifice, celui qui parlait là, dont on m'a donné le rapport, était présent. C'est pas que lui, il a entendu. Il dit qu'il était là-bas. Ils sont allés faire à huis clos avec les chefs traditionnels et les autorités. Ils ont fait effectivement le sacrifice. La question c'est, comment une rivière peut changer totalement en sang de façon uniforme? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu est en train d'amener sur la scène? Ce sacrifice qu'on a fait, qu'est-ce que ça signifie? Et plus tard, quelle est la réponse? Maintenant, voici donc les chefs traditionnels qui se réunissent. Les chefs traditionnels qui se réunissent. Quelqu'un tient le serpent pour faire des incantations après avoir fait des sacrifices. Et des choses sortent de ce serpent-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir pour le pays? Cameroun. Donc, prions. Prions. Je vais vous donner le sujet des prières principales, d'accord? Mais souvenez-vous, communiquer. Je vais vous donner comment prier durant ce moment-là, quand vous serez à genoux. Comment vous allez prier? Il y a des choses dont on ne peut pas arrêter. Si vous lisez votre livre de Moab, et un jour étant de prêcher, je ne sais pas si c'est ici ou n'importe où, pendant qu'il est en train de lire, subitement il a parlé du Cameroun, en parlant de Moab. Il dit que Moab n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et il dit la solution pour Moab, c'était le transvase. Vous entendez ce que le Seigneur peut dire là pour un pays? Regardez ce qui est écrit dans ce livre de Jérémie au chapitre 18, verset 6. Regardez. Il dit soudain, je parle d'un pays, d'une nation qui doit être dévastée, qui doit être arrachée. Regardez. Oh, Patani, ouvre-nous ça. Si vous lisez donc dans ce Jérémie chapitre 18, vous allez remarquer, ouvrez rapidement et puis je lis ce qui est écrit. Je vous donne rapidement la description et puis on avance pour verset 6, 5, 6, 7. Bon, vous y êtes tout le monde. Maintenant, si vous le regardez à partir du verset 1 du chapitre 18, la Bible déclare que la parole du Seigneur a été annoncée à Jérémie qui descend chez le potier. Et là, il va faire entendre sa parole. Jérémie descend chez le potier. Oh mon Dieu, on pourrait prendre encore un autre sujet là pour parler de quel que soit ce que vous faites, Dieu vous regarde. Personne ne savait que ce potier-là se trouvait là en train de faire les choses et ça le dérangeait jusqu'à ce que Dieu envoie Jérémie là-bas. Si Dieu n'a pas envoyé Jérémie là-bas, on ne veut pas savoir qu'en Israël, il y avait même quelqu'un qui séjourne là, qui est en train de faire sa poterie, n'est-ce pas? Dieu dit à Jérémie que descend chez le potier, je vais te faire entendre ma parole. Vous remarquez les façons de Dieu de faire. Il pouvait lui donner le message directement. Il dit que c'est chez le potier qu'il te donnerait. Il va là-bas, je m'en vais là-bas, qu'est-ce que je vais voir chez le potier? Le potier voit Jérémie arriver. Il ne sait pas que depuis le ciel, on a de l'observer, toutes ses œuvres qu'il a de faire. Dieu le regarde. Ah, oh, Dieu du ciel. Dieu le regarde. Le potier fabrique, vous savez, la tour là, cette tour là, elle est tourner pendant que ça tourne, parce qu'il y a un truc qu'on fait, ça tourne là, en détail, il met le doigt pour pouvoir donner une forme. La forme ne donne pas comme il le veut, il casse. Et remarquez bien, la Bible déclare, et la parole de Nédia, la parole de l'Éternel fut donnée à Jérémie, le prophète, il dit, ne puis-je pas faire comme ce potier-ci, enfant d'Israël? Vous avez remarqué ça, frère? Vous avez vu? Verset 6 maintenant, allons-y. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous entendez ce que je dis? Donc il peut vous casser quand il... Si vous ne donnez pas la forme qu'il veut, il casse comme il veut. Et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Continuons. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Maintenant, si vous lisez la Bible, c'est plein de ces histoires-là. La Bible est plein de ces histoires. La seule et le seul endroit, et le seul moment où ça va s'arrêter, si vous lisez Michée au chapitre 4, verset 1 à 5, et puis chapitre 5, verset 1 à 4, dans les 6 livres de Michée, et dans Zacharie chapitre 2, le verset 11, c'est uniquement. Uniquement dans ce moment-là, quand les prophètes ont parlé, qu'il n'y aura plus des nations qui vont se lever contre les nations. Mais remarquez ce que la Bible en train de dire ici, Dieu ne s'adresse pas seulement à Israël. Il dit soudain, il parle d'une nation, mais il parle à cet instant qu'il parle là, le monde est toujours sous la puissance du malin. Le monde est toujours sous la puissance du malin. Donc subitement, il donne un décret. Remarquez Rabshakeh. Vous avez lu le livre de Deux Rois, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Rabshakeh avec Ézéchias. Oui. Remarquez, qui a envoyé Rabshakeh aller attraper, mettre Israël en captivité? Qui l'a envoyé? Qui utilisait l'Assyrien comme le marteau entre ses mains? N'est-ce pas, après il finit d'utiliser l'Assyrie, il vient se vanter en disant qu'Ézéchias ne vous détourne pas en disant que confiez-vous à l'Éternel, car quel est le Dieu des nations qui a pour me résister, n'est-ce pas? Est-ce qu'il savait que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas pour faire ces choses? Puis la procédure sortit maintenant sur lui, parce que tu as traité durement mon peuple et que tu t'en orgueilles. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc Dieu peut prendre un roi pour juger un autre roi. Vous voyez cela? C'est-à-dire qu'il prend un roi. Vous voyez comment quelqu'un quitte la campagne. Vous dites que non, le droit international dit c'est transgression du pouvoir, de l'intégrité du territoire. Ça, c'est ton problème avec ta loi. C'est votre problème. Le Dieu des cieux a résolu un problème. Il a un problème avec Israël. Donc, il dit soudain, il dit d'une nation, d'un royaume que arrache, abatte. Donc, il peut décider, lorsque la nation ne marche pas comme il veut, de les corriger. Et si vous lisez Deutéronome chapitre 28, le verset 32 et suivant, lorsqu'il a dit cela en prophétie, il a parlé d'Israël en disant qu'ils vont les faire amener là-bas. Quand ils vont désobéir à ses commandements, il va les amener captifs dans un autre pays. Là, ils vont servir d'autres dieux que leurs pères n'ont pas connus. Donc, Dieu a la main mise sur les nations. Dieu a la main mise sur les nations. Mais ce que vous devez comprendre, c'est un. La seule nation du monde qui a Dieu pour père, c'est Israël. Amen. Toutes les autres nations, comme dit Jérémie chapitre 2 ici, le verset 1 le dit, qu'une nation change-t-elle son Dieu? Mais mon peuple, Israël, a changé son Dieu pour ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, vous remarquez très bien qu'il pose la question qu'une nation change-t-elle son Dieu? Donc, même si le gouvernement change n'importe comment, le Dieu ne change pas. Le Dieu de toutes les nations, c'est Lucifer. Il place seulement des commandos là-bas, des représentants. C'est ça que l'apôtre Paul dit, dans ces 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10, car s'il existe des êtres qui sont appelés dans le ciel des dieux, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que quand il parle de Dieu dans le ciel, ce n'est pas le seul de Dieu. Parce que dans le ciel de Dieu, il n'y a qu'un seul nom qui doit être invoqué, une seule personne qui doit être adorée. Il ne parle pas du ciel de Dieu. C'est parce qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qui prennent des gouvernements sur la terre. Vous comprenez? Amen. Si vous lisez donc Ézéchiel chapitre 28 et Ézéchiel chapitre 31 et 32, le chapitre 28 particulièrement, Dieu va parler, il dit que, fils de l'homme, élève une complainte contre Pharaon, ou bien contre le roi de Tyr. Il parle du roi de Tyr, puis il parle du prince. Vous voyez, n'est-ce pas? Deux personnalités différentes, deux onctions différentes, deux êtres différents, deux types de gouvernements différents dans le même pays. Un spirituel et l'autre physique. Un être humain sur la terre qui gouverne, qu'on appelle président de la République. Et il s'adresse à lui en l'adressant à celui qui le commande dans les lieux célestes. Et là, une fois de plus, ça nous résout le problème avec Babylone, dans Jérémie chapitre 18. Parce que là, il dit qu'il lève une complainte, donc proclame un oracle sur le roi de Tyr. Pourquoi il ne laisse pas Satan gouverner? Parce que Satan gouverne sous sa houlette. Donc, en résumé, rien ne se passe dans aucun des territoires sur la terre, à aucun moment, sans que ce soit la volonté de Dieu. En résumé, tout ce que vous voyez se passer, il n'y a rien qui surprend ou qui n'était pas prévu d'après le plan de Dieu qui est en train d'arriver. Tout arrive à pic. Amen.